Mio Mungere. Serafine Akizimana sur la mise en onde et bienvenue à ce journal à langue française et la grande édition de Sommet Crédit dont voici le sommaire. Le code minier connu jusqu'au niveau des communes. Des explications sont dites porte-parole du ministère de l'énergie et des mines, trouvant que le code est appliqué en cas de dérapage, voire même des procès de flagrance. Et certains conducteurs de vélo opérant tout près du pont de Nahangwa dans les parages du marché de Kotebou se plaignent qu'ils sont pour le moment interdits de dépasser ce pont par des agents de sécurité de la police. Et le ministère de la Sécurité parle de la mise en application d'une mesure sécuritaire en vigueur après 2015. Et le conseil de la communication CNC va à partir de ce jeudi commencer à vulgariser les lois régissant la presse au Burundi. Ce jeudi, le CNC se rend dans les provinces de Bujumbura, Gitega et Ngozi. Vous aurez également droit à la chronique éducation. Le psychopédagogue Alexis Ndaïzeguié conseille les enseignants d'éviter la colère pendant la punition de leurs élèves. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais tantôt dans les titres, le porte-parole du ministère de l'énergie et des mines donne des clarifications sur ceux qui ne sont pas adhérents aux coopératives d'extraction et de commercialisation des mines. À propos de ceux qui disent que le code minier n'est pas mis en vigueur, Leonidas Sindai Hebura donne à titre d'exemple des procès de flagrance qui ont eu lieu conformément à ce code dans différentes provinces du pays. Je vous prie de le suivre. Premièrement, je dois indiquer qu'aujourd'hui, nous utilisons le code minier depuis 2013. Code, si je me rappelle bien, c'est la loi numéro 1/21 du 15 octobre 2013, portant code minier du Burundi. Ce code, peut-être je saute un peu du coq à l'âne en parlant de la sensibilisation de la population, de la vulgarisation de ce code. Et ce code, grâce à la GIZ, a été vulgarisé depuis 2014 et même des ateliers ont été tenus à travers tout le pays pour dire que la vulgarisation de ce code a eu bel et bien, mais que c'est un travail qui continue. Et vis-à-vis de la question concernant cette non-participation de ces corps, je vais citer un peu ce qui est mentionné à l'article 92 de ce code. Elles ne sont pas autorisées à être adhérents, à faire partie des organes, à travailler à quelque titre que ce soit ou à prendre un intérêt direct ou indirect dans une coopérative minière, une union, fédération ou confédération de coopératives minières. Les agents et fonctionnaires de l'État, les magistrats, les membres des forces de défense et de sécurité ou toute autre personne exerçant une fonction rémunérée basée sur un contrat écrit, les employés, les organismes publics habilités à procéder aux opérations minières. Donc tout ce monde, tout ce corps-là n'est pas autorisé à exercer dans ce secteur-là. Il y a autre chose concernant les sanctions. Les sanctions ont eu bel et bien lieu. Nous savons très bien qu'il y a eu des personnes qui ont été sanctionnées au niveau de Kayanza, à Muyinga, à Bouanza également, et pour avoir contrevenu justement aux prescrits de ce code. C'était Leonidas Sindai Hebura, il est le porte-parole du ministère de l'énergie et des mines. Page sécurité. Certains conducteurs de vélos se plaignent que certains agents de la police leur interdisent de dépasser le pont de Nahangwa vers le marché de Kotebou. Ils déplorent néanmoins le manque d'explications motivant cette décision et demandent aux autorités habilitées de donner des clarifications. Le point avec Vestine Boutoy. Sur le pont Nahangwa, reliant le centre-ville et le marché dit Kotebou, se trouve un groupe de conducteurs de vélos qui regardent dans tous les sens avec attention. Visiblement, on dirait qu'ils sont à la garde. Si on les interroge pourquoi ils sont dans cet état, ils disent que c'est pour qu'ils puissent passer à l'insu de la police et de la sécurité routière. L'un d'entre eux indique que leur arrestation a commencé depuis jeudi de la semaine passée et que même celui qui ose y passer le fait en connaissance des conséquences, qu'il peut même être battu une fois attrapé. Oui, on nous arrête depuis jeudi de la semaine passée jusqu'à maintenant. Il ne nous est pas permis de traverser ce boulevard. Et même ceux-là que vous voyez y passer, ils savent bel et bien qu'ils peuvent être battus une fois attrapés. L'autre d'entre eux ajoute qu'en plus des chicotes reçues une fois attrapés, il y a aussi le pillage de l'argent qu'on a dans sa poche. Quand nous sommes attrapés, nous payons soit 30 000 francs, ou 20 000 francs burundais sans même la quittance. Et en plus, nous payons la mairie. Dernièrement, il y a celui qui a perdu son vélo. Et quand on n'a pas de quoi payer, le vélo reste là. Nous ne savons pas pourquoi. Des pertes sont énormes du fait que même leur famille trouve difficilement de quoi mettre sous la dent, explique celui-ci d'entre eux. Nous avons des familles ici à Bujumbura. Et si on nous perturbe comme ça, nous ne pourrons pas trouver même de l'argent pour acheter du charbon, mais aussi des vivres. Vraiment, étant dans cette situation, nous sommes considérés comme des étrangers. Ça serait mieux pour nous d'aller ailleurs. Ces conducteurs de vélos demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent continuer leur travail comme d'habitude. Festine Boutoya qui nous disons merci de son côté. Le ministère de la Sécurité publique et gestion des catastrophes fait savoir qu'il s'agit de la mise en application de la mesure interdisant à ses conducteurs de vélos et motos à franchir ses pots vers le centre-ville. Une mesure sécuritaire instaurée après 2015 qui se poursuit. Ceux qui traversaient ces pots inconsciemment violaient la loi, dit Pierre Ngouriki, le porte-parole du ministère. Et à propos de l'argent exigé, Pierre Ngouriki demande aux victimes de se confier aux positions policières qui leur sont proches pour dénoncer ce comportement. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro, page éducation, les autorités administratives de la province de Bubanza s'inquiètent des chiffres et des abandons scolaires qui s'affichent dans ce premier trimestre. La cause principale, selon ces dernières, étant dernière différentes cotisations exigées aux élèves, comme le paiement des enseignants bénévoles. À la direction provinciale de l'enseignement à Bubanza, l'on indique que les frais supplémentaires sont des résultats du consensus entre la direction scolaire, les parents et l'administration locale. Le point avec Espèce Caritas Cabagnan. Au cours d'une réunion de sécurité tenue à Bubanza ce mardi, l'administrateur de la commune Manda a déploré le nombre d'élèves qui abandonnent l'école actuellement, donnant l'exemple de l'école fondamentale de Kanenga, où 19 élèves ont déjà abandonné l'école au cours de ce premier trimestre de l'année scolaire en cours. L'administrateur Chongela Frédéric a précisé que la situation est la même sur d'autres écoles. L'administrateur de la commune de Bubanza, lui aussi, a signalé que les enfants abandonnent l'école en grand nombre actuellement. Les parents contactés indiquent que ces abandons sont liés à plusieurs causes et la principale est la contribution exigée aux enfants comme la construction des locaux, les primes d'encouragement des enseignants bénévoles, l'achat des bons pupitres et autres. À la direction provinciale de l'enseignement, on explique que les contributions qu'on demande aux parents sont des consensus entre la direction scolaire, les parents et l'administration locale. Et concernant les frais de 2000 francs d'assurance et de sport, aucun parent ne devra encore payer cet argent car ça a été provisoirement suspendu selon le conseiller pédagogique à la direction provinciale de l'enseignement à Bubanza. Le gouverneur de cette province, qui est également le président de la commission provinciale chargée de l'enseignement, demande à tous les concernés de suivre de près cette situation afin que les enfants ne continuent pas à abandonner l'école. L'année passée, au cours de l'année scolaire 2017-2018, la direction provinciale de l'enseignement à Bubanza a enregistré 9711 abandons, dont 5250 garçons et 4461 filles. Espèce Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Espèce Caritas Kabanyana. Et le conseiller national de la communication CNC envisage de vulgariser les lois régissant la presse au Burundi. Dans un communiqué de son mercredi, le CNC dit qu'il organise une réunion dans les provinces de Bujumbura, Gitega et Ngozi ce jeudi à l'intention des gouverneurs, conseillers socio-culturels, les administrateurs des communes qui hébergeront la réunion, les représentants de la police, de la justice et des médias. Le président du CNC précise que l'objectif visé est que tous les principaux partenaires des médias, le journaliste y compris, maîtrisent ces textes et prévenir des fautes professionnelles éventuelles. Et page sportive pour boucler l'actualité nationale. Ouverture sommet crédit sur le continent africain des éliminatoires de la Coupe des Nations 2019 des moins de 23 ans. Au stade de Prince Louis Gwagasole, les Inhamba Murugamba, l'équipe du Burundi joue contre Taifa Star de la Tanzanie et le sélectionneur des jeunes Burundais de moins de 23 ans indique que les préparatifs se sont bien déroulés. Jospin Bifoubusa appelle les spectateurs burundais à venir nombreux assister à ce match comptant des éliminatoires de la CAN 2019 dont la phase finale se déroulera au mois de novembre de cette année en Égypte. A noter que la Radio Sanganiro va retransmettre en direct ce match Burundi et Tanzanie à partir de 15h. Radio Isanganiro chronique. Dans la chronique éducation, comme il est d'accoutumé tous les mercredis, l'enseignant doit éviter la colère pendant la punition de son élève. C'est ce qu'explique Alexis Ndaïzeguié de la clinique de l'éducation et de la psychothérapie Turele Hamri. Ce petit pédagogue prévient qu'une punition mal faite est suivie de conséquences fâcheuses. Les détails dans cette chronique éducation est préparée, présentée par Linibel Nibikir. Dans notre précédente chronique éducation, l'on vous a parlé de la punition pour un élève et son rôle. Mais le psychopédagogue Alexis Ndaïdiguié parle de ce qu'il faut éviter pendant la punition, dont la colère et l'injustice. Pour que la faute ne se reproduise pas, il y a des conditions. L'enseignant ne doit pas punir de manière injuste l'enfant. Il faut éviter dans ce sens ce qu'on appelle la violence. Il faut éviter de punir sous le coup de la colère. Sinon, la punition prendra le sens de la vengeance, parce que dans certains cas, derrière la punition peut se cacher la violence. Et il faut éviter aussi de punir tout le monde ou de généraliser la punition, parce que cela peut passer sans effet et peut provoquer un sentiment de bouc émissaire, par exemple. À côté de ce qu'il faut éviter, l'expert Ndaïdiguié fait savoir qu'une punition mal faite conduit à des suites funestes, dont la mort, des sentiments de révolte et de rébellion, ainsi que l'échec scolaire. Selon cet expert, à ce stade, il n'y a pas d'autre solution magique. Les parents de l'élève doivent plutôt consulter les experts en psychologie et les sciences de l'éducation. Cependant, le psychopédagogue ne soutient pas que les fautes de l'élève passent inaperçues. Il ne faut pas oublier que la punition a aussi des inconvénients. Ces inconvénients, en premier lieu, l'élève peut persister dans la faute parce que la punition a été injuste. Deuxièmement, quand ils persistent, ils peuvent aussi développer un sentiment de rébellion à l'égard de l'enseignant. Troisièmement, ils peuvent aussi développer le dégoût face aux apprentissages. Les spécialistes appellent cela le décrochage scolaire. Donc, l'élève ne s'intéresse à aucune activité scolaire. Et donc, il se présente en classe, il ne prend pas note. Quand on arrive à ce stade, il est difficile de changer son comportement. Les parents doivent faire recours aux spécialistes du comportement et des sciences de l'éducation. Cependant, le psychopédagogue ne soutient pas que les fautes de l'élève passent inaperçues. Selon toujours lui, il faut qu'elle soit punie, et cela conformément à la loi et les recherches des autres experts internationaux en matière d'éducation et de psychothérapie. Merci Elini Berenibigira. Et avant de se séparer, on parlait de quelques deux brèves internationales. À commencer par l'Éthiopie où les autorités ont arrêté 63 officiers de l'armée et de services de renseignement. Selon le site de la Radio France Internationale, ces officiers sont accusés de corruption et de violation des droits de l'homme. Ce genre d'arrestation est assez rare dans le pays qui représente une nouvelle inflexion de la politique du Premier ministre Abiy Ahmed qui, selon RFI, veut rompre avec le passé autoritaire du pays. Le Premier ministre enchaîne les mesures d'assouplissement depuis son arrivée au pouvoir en avril dernier. Entre autres mesures prises figurent la levée de l'état d'urgence et de la libération des milliers de prisonniers politiques. Et toujours selon le site de la RFI, Emmanuel Macron a critiqué dimanche 11 novembre la diplomatie de Twitter du président américain Donald Trump et de son nationalisme. Et deux jours plus tard, rentré aux États-Unis après le week-end de commémoration de l'armistice de 1918 à Paris, le président américain s'en prend violemment à son homologue français Tasha Pelmel. Son taux d'impopularité, le taux taux de chômage en France et son intention de créer une armée européenne et le droit de douane sur le vin. Le même site informe que l'Élysée, qui est le palais présidentiel de la France, refuse de commenter les quatre tweets qu'on minimise le différend entre les deux hommes politiques. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle que le code minier est connu jusqu'au niveau des communes. Des explications nous ont été fournies par le ministère, le porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines, qui trouve que le même code est appliqué en cas de dérapage, voire même des procès de flagrance. Et certains conducteurs de vélos opérant tout près du pont de Narangwada, les parages du marché de Cotebou, se plaignent qu'ils sont pour le moment interdits de dépasser son pont dans par des agents de police. Le ministère de la Sécurité à propos dit qu'il s'agit de la mise en application d'une mesure sécuritaire en vigueur après 2015. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Serafina Kizimana qui assure la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Un bon après-midi à tous. Au revoir.